Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le génie de Marivaux. Quand on joue Marivaux, on a quelquefois l'impression que ça nous glisse entre les mains. Parce que c'est jamais... Il y a toujours deux ou trois choses à jouer en même temps. Mais cette complexité-là rend la pièce, et toutes les pièces de Marivaux d'ailleurs, extrêmement riche et intéressante. Et on se rend compte que Marivaux est vraiment un grand auteur. Le comédien Pascal Rollin à l'émission Les Belles Heures en 1985. Marivaux a donné au théâtre français quelques-uns de ses plus grands classiques, Le jeu de l'amour et du hasard, Le triomphe de l'amour, Les fausses confidences. L'amour est le grand thème de Marivaux, l'amour naissant surtout, et l'élégance de sa langue, c'est un peu sa marque de fabrique. Si le théâtre de Marivaux a longtemps été réduit à une simple affaire de marivaudage, il a fort heureusement retrouvé ses lettres de noblesse dès le milieu du 20e siècle. Les difficultés du mariage dans l'univers de Marivaux sont reportées à plus tard. Ce qui le préoccupe, c'est l'amour, son mystère et son affirmation volontaire et consciente dans le cœur des jeunes gens. La finesse de sentiment des protagonistes, la caricature formelle des défauts légers d'un monde que Marivaux aime plus encore qu'il ne paraît, créent un ensemble attachant. Romanesque, parce qu'on ne s'y reconnaît pas vraiment, mais qu'on y goûte l'image de ses pensées profondes. Réaliste aussi, parce que tous ces éclats de langage, toutes ces formules étincelantes, tous ces nerfs mis à nu, ces cris, ces larmes, ces abandons, sont véritables et nous touchent à coup sûr. Et sachez que ce n'est pas à vous à juger de mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. L'auteur Marcel Giraudet à l'émission Théâtre d'Europe en 1965. Pour nous parler de l'œuvre de Marivaux, je reçois Benoît Melançon, qui est professeur au département des littératures de langue française à l'Université de Montréal. Benoît Melançon, bonjour. Bonjour, Jacques. On dit souvent à Benoît Melançon que Marivaux est devenu au 20e siècle l'auteur de théâtre le plus joué en France après Molière. C'est pas rien. Pourquoi et qu'est-ce qui fait, Benoît Melançon, qu'on s'intéresse tant à son théâtre? Alors, il y a deux réponses possibles à cette question. On vient de l'entendre dans les deux extraits, on dit la même chose. Le théâtre de Marivaux, c'est un théâtre de l'amour. En fait, c'est un théâtre de l'amour sous trois formes. C'est le théâtre de la naissance de l'amour, donc il faut que l'amour apparaisse. C'est le théâtre de la reconnaissance de l'amour, il faut qu'on comprenne qu'on est amoureux. Et c'est le théâtre de l'aveu de l'amour, il faut ensuite passer à l'acte et dire qu'on aime. Alors ça, c'est le théâtre de Marivaux dès le 18e siècle, dans un langage qui a... étonné au 18e siècle, qui, dans certains cas, a choqué, et c'est ce qu'on a appelé le marivaudage. Donc ça, il y a ça dès le 18e siècle. Ce qui change, ce qui a changé depuis, c'est qu'on a conservé, bien sûr, cette dimension amoureuse du théâtre de Marivaux, cette dimension langagière, mais on a aussi vu que le théâtre de Marivaux est un théâtre beaucoup plus sombre qu'on ne le pensait. Il y a dans le théâtre de Marivaux des luttes de pouvoir très, très fortes, et c'est ça que le 20e siècle a fait apparaître dans ce théâtre. Donc un théâtre qui, bon, quand on parle d'amour, il y a des chances que ça fonctionne bien et que ce soit joué, joué, rejoué encore. Et puis, avec le temps, puis on va y revenir, évidemment, mais cette redécouverte de chez Marivaux d'un théâtre peut-être plus fin, plus subtil, plus profond qu'on ne le pensait au départ. Parlons un peu de l'homme, Marivaux comme tel. On connaît assez peu de choses, étrangement, Benoît Melançon, de Marivaux. Dites-nous un peu qui il était et qu'est-ce qu'on sait de lui, surtout. Alors ça, c'est assez amusant. Je relisais des textes biographiques sur Marivaux ces jours-ci, et les formules reviennent toujours. Hein. Sans doute, probablement, peut-être, presque certainement. Bref, il y a un flou très, très considérable concernant la biographie de Marivaux, ce qui n'est pas le cas des hommes de lettres habituellement du 18e siècle. Sur Diderot, sur Voltaire, sur Rousseau, sur le Marquis de Sade, on a des textes biographiques très, très précis, très, très nombreux, qui ne s'entendent pas toujours entre eux, mais peu importe. C'est pas vrai de Marivaux. On sait qu'il naît en 1688, il s'appelle alors Pierre Carlet. Il naît à Paris, mais il va s'établir très jeune à Rion, en Auvergne, parce que son père est fonctionnaire royal. Il monte à Paris, comme le font tous les hommes de lettres du 18e siècle, dans les années 1710 à peu près, puisqu'on n'est pas très très sûr. Il fait des études de droit qui vont beaucoup traîner, mais il ne va jamais pratiquer le droit. Il va devenir rapidement écrivain. Il est monté à Paris de Rion pour être homme de lettres. Il va se donner un nom d'homme de lettres. Hein. Il s'appelle Pierre Carlet, mais il va s'appeler ensuite Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux, et enfin Carlet de Marivaux, et pour nous, Marivaux. Ouais. Il se marie, il a une fille, il est probablement ruiné dans les années 1720, et c'est à peu près ce que l'on sait de lui. Hein. On sait ensuite ce qu'il va faire littérairement, mais sur le plan biographique, on a très peu de renseignements. Il va être nommé à l'Académie française en 1742 et il meurt en 1763. Oui. C'est assez rapide de faire la biographie de Marivaux, contrairement à celle d'autres auteurs de la même époque. Et dans toute cette vie que vous venez effectivement de nous décrire assez rapidement, il y a cette constante, vous l'avez déjà abordée, l'écriture. L'écriture qui va prendre différentes formes, cela dit, pour Marivaux. Le théâtre, bien sûr, ce qu'on a peut-être le plus retenu de lui, mais aussi le roman, et il va être assez important, on y reviendra du côté du roman, et le journalisme. Benoît Melançon. Oui, alors, Marivaux, c'est, comme tous les écrivains de son époque, un polygraphe. Qu'est-ce que c'est un polygraphe? C'est quelqu'un qui pratique toutes sortes de genres, qui pratique le roman, qui pratique le théâtre et qui pratique le journalisme, mais une forme de journalisme très, très spécifique, hein, c'est du journalisme personnel. Au 18e siècle, on appelle ça des feuilles. Donc, il s'agit de publier des feuilles de publications que Marivaux a intitulé « Le spectateur français »,« L'indigent philosophe », »,« Le cabinet du philosophe ». Donc, ce sont des textes personnels sur différents aspects. Alors, par exemple, les habitants de Paris, les mœurs des femmes. Mais c'est véritablement là, pas du tout du journalisme au sens où on l'entend aujourd'hui. Hein, c'est pas de la nouvelle, c'est du commentaire. Le modèle de Marivaux, il est très clair. C'est un modèle anglais. C'est ce qu'on appelle les Spectators, des journaux d'Addison ou de Steele. Donc, il va en faire à trois reprises, Marivaux, de ce type de publication. C'est souvent des thèmes qu'on retrouve dans son théâtre, d'ailleurs. Par exemple, la psychologie féminine ou la psychologie amoureuse. Mais on a là quelqu'un qui essaie d'entrer, comme c'est si souvent le cas au siècle des Lumières, qui essaie d'entrer dans la carrière des lettres et qui a trouvé pour le faire cette porte, hein, du journalisme véritablement personnel. Oui. Ce qui va le conduire, cet exercice de journalisme très personnel, qui ressemble un petit peu déjà à un exercice de celui que ferait le portraitiste, au fond, on va retrouver ce même genre d'exercice, mais dans le genre romanesque comme tel. Parlez-nous de Marivaux, le romancier. Alors, il y a une caractéristique qui unit, il y a plusieurs caractéristiques qui unissent Marivaux, le romancier, à Marivaux, le journaliste, et il y en a une qui est un peu étonnante pour nous, c'est ce qu'on appelle en termes techniques la sérialité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que quand vous faites un journal comme le Spectateur français, vous livrez périodiquement des feuilles. Marivaux fait la même chose au roman. Mm-hmm. Il livre ses romans par tranches. Alors, il y a toutes sortes de romans, des romans parodiques, des romans qui relèvent de presque de la littérature d'aventure. Il y a deux romans qui sont connus aujourd'hui, surtout commentés de Marivaux, qui ont le même thème. C'est Le paysan parvenu et La vie de Marianne. Ce sont deux romans qui racontent des ascensions sociales. Donc ça, c'est leur première caractéristique. Ils paraissent par tranches, donc c'est leur deuxième caractéristique. Et leur troisième caractéristique, ce qui est aussi un peu étonnant pour nous, c'est que ce sont des romans inachevés. Alors, Marivaux ne mène pas jusqu'à son terme ni La vie de Marianne, ni celle de Jacob, le paysan parvenu. D'autres que lui vont le faire. D'autres vont s'approprier ces textes et vont faire des suites au paysan parvenu et à La vie de Marianne. Et dans les deux cas, on voit bien comment il est difficile de parvenir, c'est l'expression qu'on utilisait, bon, paysan parvenu, comment il est difficile de parvenir dans une société d'ordre, celle de l'Ancien Régime, quand on n'est pas de naissance noble. Et donc le but, c'est de montrer comment on réussit à sortir de sa condition Dans Le paysan parvenu, Jacob le fait par le mariage. Dans La vie de Marianne, c'est par la reconnaissance d'une naissance qu'on croyait modeste, mais qui est en fait tout probablement une naissance illustre. Mais, monsieur Rémy, ceci est un peu vif. Vous prenez assez mal votre temps. J'ai refusé l'autre personne. Mais moi, je ne sortirai jamais de chez madame. Enfin, sauf si elle me congédie. Ce qui m'attire chez cet auteur, c'est la complexité non apparente. C'est-à-dire que quand les premières fois que j'ai vu ou lu du Marivaux, j'ai toujours perçu comme un sujet très simple, c'est-à-dire l'amour. J'avais toujours l'impression qu'il écrivait la même pièce et que j'en saisissais pas toujours toutes les nuances. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui m'empêchait de savoir exactement quel était le pouvoir de Marivaux. Ben, j'ai bien vu, à force de le travailler, que c'est dans la direction d'acteur d'abord et avant tout. Et parce que, pour un acteur, c'est ardu de jouer Marivaux. C'est un auteur, c'est parce qu'en travaillant justement sur le triomphe de l'amour, des fois on faisait, j'ai l'impression qu'on est dans Racine, des fois j'avais l'impression qu'on était dans Molière, des fois j'avais l'impression qu'on était dans Shakespeare, et c'est rien, c'est tout ça en même temps, mais c'est pas ça non plus. Il s'agit d'une dame de 35 ans, qu'on dit jolie femme, qui a plusieurs milliers de livres de rente. Vous lui avez parlé, puisqu'elle sait que vous n'avez pas de bien. Elle offre de vous épouser sans délai. Eh bien, à quoi pense-t-il donc ? Ben non, non, je ne l'épouserai pas, monsieur. Enfin, nous ne serions heureux ni l'un ni l'autre. J'ai le cœur pris. J'aime ailleurs. Extrait du téléfilm Les fausses confidences que Luc Bondy réalise en 2015. Vous y avez peut-être reconnu les comédiens Louis Garrel et Isabelle Huppert, Bernard Verlet également. Vous entendiez aussi dans cet extrait le metteur en scène Claude Poisson parler du théâtre de Marivaux à l'émission En scène en 1995. Le théâtre de Marivaux, on y revient, Benoît Melançon. Que dire de ce théâtre-là? Claude Poisson vient d'indiquer une chose tout à fait importante. Il parle de sa propre mise en scène du Triomphe de l'amour en 1994. Il rappelle combien c'est difficile jouer du Marivaux pour les acteurs. Il y a plusieurs raisons qui expliquent que ce soit difficile, mais une des raisons, c'est les lieux communs associés au Marivaudage. Le Marivaudage, le théâtre amoureux de Marivaux, ce serait nécessairement comique, ce serait nécessairement drôle. Et les comédiens ont souvent tendance à surjouer cette dimension comique. Ce que Poisson indique, c'est qu'il faut au contraire prendre ça au pied de la lettre. Il y a là des choses difficiles à mettre en scène. Il y a un langage difficile à s'approprier. Et c'est un vrai défi pour les acteurs. Jacques Lassalle, le metteur en scène français, qui a fait beaucoup de mises en scène de Marivaux, dont une très belle à la Comédie française de La Fausse suivante, disait « Le défi des comédiens jouant Marivaux, c'est de se défaire de la tradition du marivaudage. C'est donc passer au-delà de ces lieux communs pour réussir à retrouver quelque chose qui nous parle aujourd'hui dans le texte de Marivaux. » Et de la même manière, il y a un joyeux paradoxe, mais au fond, c'est ce texte très difficile à jouer pour éviter de tomber dans le piège de la caricature. Quand il est bien joué, c'est là qu'il prend tout son sens. Autrement dit, Marivaux serait, Benoît Melançon, l'un des auteurs qui s'apprécie le mieux grâce au travail des acteurs. Alors, moi, je fais un exercice régulièrement avec mes étudiants à l'université. On prend une scène de Marivaux, je la lis avec eux, et en la lisant, je montre comment le théâtre de Marivaux marche souvent de la même façon, hein, comment les répliques sont toutes fondées sur la réplique précédente. La réplique se termine par un mot X, par le premier mot de la réplique suivante, ce sera ce mot X-là. Et quand on travaille ces textes-là comme ça, dans le détail, on finit par ne plus rien comprendre. Ça devient d'une complexité folle. Et c'est pour ça qu'il faut que les comédiens puissent effectivement, comme vous venez de le dire, s'approprier le texte et le rendre pour qu'il soit compréhensible. Si on rentre dans le détail du texte de Marivaux, ce qui est absolument passionnant, ce qui est absolument nécessaire pour faire une analyse littéraire, on se rend compte de l'immense complexité de scènes qui sont en apparence toujours les mêmes. Claude Poisson le disait, on a l'impression que c'est toujours la même pièce. Ben non, ouais. Ce n'est jamais la même pièce parce que le langage n'est jamais exactement le même. Voilà le défi d'un comédien. Ouais. Alors Marivaux, ce qui est extraordinaire avec lui, c'est qu'il sera à la fois très, très populaire de son vivant, en même temps que très critiqué. Diderot, Voltaire vont être parmi les voix qui seront très, très dures à son endroit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Alors, il y a effectivement du vivant de Marivaux un certain nombre de détracteurs de son œuvre qui s'en prennent à deux aspects du travail de Marivaux. Alors, d'une part, ils ont l'impression que le théâtre de Marivaux, c'est un théâtre de l'amour, c'est un théâtre de la légèreté. Il y a cette phrase de Voltaire qui ne porte pas directement son Marivaux, mais qu'on peut associer à l'opinion de Voltaire sur Marivaux, un grand compositeur de rien, pesant grave des œufs de mouche dans des balances de toiles d'araignée. Donc, on serait devant des sujets d'une très, très grande légèreté. Ce qu'un autre détracteur de Marivaux, qui s'appelait Desfontaines, appelait la métaphysique du cœur. Voilà, ce n'est qu'un théâtre qui chipote sur le sentiment amoureux. Ça, c'est le premier reproche. Le deuxième, c'est le langage. C'est la langue de Marivaux. On dit que c'est une langue emberlificotée, que c'est une langue inutilement compliquée, que c'est une langue qui ne respecte pas les canons habituels du beau langage. Alors, ça donne des phrases comme celle-ci, j'en cite deux très brèves. « Tirer sur ma figure l'horoscope de notre fortune » ou « Quel galimatias que l'honneur de ce pays-ci » Alors ça, c'est le genre de phrase qu'on reprochait à Marivaux en disant « Mais ça, là, qu'est-ce que c'est que l'horoscope d'une fortune? Qu'est-ce que c'est que le galimatias de l'honneur ?» Il y aurait donc là quelque chose d'inutilement compliqué dans le langage de Marivaux. Voilà le deuxième reproche qu'on lui adressait continuellement. Ouais. Et pourtant, cette langue, ça fait, pour ceux qui le défendent, ce sera l'un des éléments, la langue qui fait sa force, une langue élégamment ludique, tout en dentelle, parfois, pour justement parler de cette langue-là, mais aussi de cette étiquette de marivaudage, un terme qui est devenu un peu péjoratif avec le temps. On écoute à nouveau le metteur en scène Claude Poisson, l'émission en scène en 1995, puis les comédiens Pascal Rollin et Louise Turcot au micro de Louise Saint-Pierre à l'émission Les Belles Heures en 1985. Mais d'abord, un petit extrait de la production du Théâtre du Rideau Vert de la pièce L'heureux stratagème, présenté à Paris en 1964. Et oui, on se fait plaisir. Quoi, madame? J'arrive et vous me fuyez? Oh, c'est vous, Dorante. Je ne vous fuis point, je m'en retourne. De grâce, madame. Donnez-moi un instant d'audience. Un instant à la lettre, alors. Car j'ai peur qu'il ne me vienne compagnie. On vous avertira s'il vous en vient. Souffrez que je vous parle de mon amour. N'est-ce que cela? Je sais votre amour par cœur. Moi, j'ai jamais trop compris ce qu'on voulait dire quand on parlait du jeu marivaudien, parce que j'en avais pas assez d'exemples. Et quand on parlait de marivaudage, j'ai toujours eu l'impression que le marivaudage, avant tout, ce sont les labyrinthes amoureux, ce sont tous les méandres et quiproquos amoureux qu'il y a à l'intérieur des pièces de Marivaux. Si on l'a traité de boulevardier, c'est peut-être à cause de ce climat de quiproquos. Mais on est loin des portes battantes, on est plutôt dans l'éloge de la vérité et du mensonge. Marivaux est le chantre, le poète de l'amour, mais oui. Pas n'importe quel amour. Parce que dans l'heureux stratagème, bon, des gens s'aiment, des gens se trompent, des gens se réconcilient, des gens s'aiment à nouveau, des gens s'aiment de plus en plus, mais c'est d'une cruauté terrible. C'est d'aller dans la psychologie humaine. Oui, absolument. On dirait que c'est fait au scalpel. Hein? Il va directement au but, il n'y a pas de détour. Et on dit souvent, il y a une expression qui est passée dans le langage courant, on dit c'est du marivaudage, puis on a toujours l'impression que c'est quelqu'un qui parlait pour rien dire. Alors que c'est vraiment le contraire. Je pense qu'il n'y a pas un mot trop. Tout est disséqué. Chaque chose est vraiment nécessaire et importante et capitale. C'est ça qui est passionnant un comédien, parce que dans un paragraphe, tu peux avoir au moins trois sentiments qui sont opposés, et puis des changements d'idées. Tout ça, ça demande... Il faut faire fonctionner ces petites cellules grises. Ça, c'est fascinant, ce qu'on vient d'entendre, parce qu'on entend bien que ce terme, cette langue, ce fameux terme de marivaudage peut vraiment être interprété de manière complètement opposée. Qu'est-ce qu'on entend de fait, Benoît Melançon, par marivaudage, et pourquoi ce terme est-il devenu réducteur quant à la qualité de l'écriture et l'œuvre de Marivaux? Alors, il faut d'abord savoir une chose, le mot marivaudage, il est créé du vivant même de Marivaux. C'est pas un mot que la critique est venue plaquer sur son œuvre par la suite. Généralement, on dit que c'est Diderot qui en parle le premier, mais c'est pas vrai. La première attestation qu'on ait du mot marivaudage, c'est dans la correspondance de Madame de Graffigny à la fin des années 1730. Donc, du vivant de Marivaux, on parle du marivaudage, on lui reproche son marivaudage. Le marivaudage étant, alors, soit de la psychologie mythologie amoureuse qui tourne un peu en rond. Il y a un critique du 20e siècle qui a une formule assassine pour ça, Claude Roy, qui disait cette dimension-là du marivaudage, c'est l'équivalent du badminton sentimental. Mmh. On s'envoie des répliques amoureuses et l'autre personne nous renvoie la réplique amoureuse. Il y a ce premier sens, il y a le sens de langage tarabiscoté, ce que j'indiquais tout à l'heure. Depuis, c'est devenu plusieurs choses. Alors, le mot a une existence très longue, puisqu'il existe dès les années 1730. Il y a plusieurs sens. Parfois, on l'utilise simplement pour décrire le marivaudage, la langue de Marivaux. On dit marivaudage, voilà, c'est la langue de Marivaux. Parfois, et encore aujourd'hui, hein, on voit ça dans les publicités de télé-réalité, hein, marivaudage à Bali. Ouais, il y a eu ça pour Occupation double. Donc, vous voyez, on est encore dans cette logique amoureuse, mais le plus souvent, c'est un terme dépréciatif. Et c'est un de ces termes dépréciatifs qui en vient à empêcher la lecture de l'œuvre. Il y en a beaucoup de ces mots-là dans la langue commune. Si vous entendez d'abord le mot sadisme, ben, quand vous allez lire l'œuvre de Sade, votre lecture va être orientée parce que vous savez ce que c'est que le sadisme. Ben, le marivaudage, c'est pareil. Le marivaudage détermine, même sans qu'on sache précisément ce que c'est, par avance, la lecture qu'on fait du théâtre de Marivaux ou de l'œuvre de Marivaux en général. Ouais. Cette œuvre-là, elle va, vous l'avez un petit peu évoqué au tout début de l'émission, la perception qu'on a de cette œuvre-là, elle va évoluer avec le temps. De fait, Marivaux, après sa mort, va un peu passer à l'oubli. Et pour revenir, en fait, mais plus fort encore, au milieu du 20e siècle, pourquoi? Comment expliquer d'abord cette mise au rencard et puis ce retour de Marivaux par la suite? Alors, la mise au rencard, elle s'explique essentiellement par la réduction supposée de ce théâtre à un strict théâtre amoureux, qui serait donc un théâtre daté, puisque renvoyant à un type de société et à un type de relation amoureuse qui se déroulerait dans la première moitié du 18e siècle. Alors, on essaie de le revamper périodiquement, ce théâtre-là. Ça va arriver à la Révolution française, par exemple. On va prendre le théâtre de Marivaux, puis on va essayer de l'actualiser. Mais c'est vrai que le 19e siècle n'est pas un bon siècle pour Marivaux. Au milieu du 20e siècle, il va y avoir deux phénomènes pour expliquer sa remontée dans l'estime critique et populaire. D'une part, c'est la publication, je citais un extrait de ce livre à l'instant, la publication d'un livre de Claude Roy qui s'appelle « Lire Marivaux ». C'est un livre de 1947. Et dans « Lire Marivaux », Claude Roy dit « Il faut absolument relire sur de nouvelles bases Marivaux en se défaisant de cette image de simple théâtre psychologique amoureux ». Donc, il y a vraiment un travail de très, très fort de réhabilitation. Et au même moment, il y a des metteurs en scène, et des metteurs en scène célèbres, hein, Villard, par exemple, qui vont s'approprier le texte de Marivaux, et ils vont faire la même chose. Claude Roy, comme critique, et les metteurs en scène, de leur côté, ils vont dire « Il faut montrer ce qu'il y a de noir dans le théâtre de Marivaux, ce qu'il y a de sombre, et ce qu'ils vont faire ressortir les uns et les autres, c'est les relations de pouvoir. » Et c'est ça qu'on voit maintenant beaucoup dans les mises en scène de Marivaux contemporaines. Benoît Melançon, professeur au département de littérature de langue française à l'Université de Montréal, c'est toujours un grand bonheur de vous recevoir. Vous avez tellement bien parlé aujourd'hui de Marivaux pour nous. C'était exquis. Merci beaucoup. Au plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.